Nouvelle review, pour la nouvelle saison de Mandalorian, donc deuxième partie. Vous pourrez retrouver notre review de la première partie dans une autre vidéo, où déjà on avait chroniqué les quatre premiers épisodes. Donc il faut rappeler quand même qu'on avait terminé sur un épisode qui était assez trépidant, notamment une sublime poursuite entre une espèce de transporteur et des TIE Fighters dans une espèce de crevasse qui rappelle un peu l'épisode 4 de Star Wars. Donc le vrai Star Wars, hein, pas le faux Star Wars. Hein. Ouais, Star Wars, la trilogie, il n'y a rien d'autre. Voilà, parce que j'ai trouvé une nouvelle appellation pour, tu sais, la postlogie. Je vais l'appeler la dobologie. Arrête, c'est la meilleure. Voilà quoi. Donc, chapitre, on va dire, là on est déjà au chapitre 13, vu que c'est par chapitre que ça fonctionne. Et le titre, c'est La Jedi. Et donc, ce qui se passe, c'est que il y a Bébé Yoda et notre ami Mando qui arrivent sur la planète Corvus. Et là, ils se retrouvent face à la magistrate Morgane Elsbeth. Dont le bras droit est joué par Michael Biehn. Toi, tu l'as pas reconnu, moi je l'ai reconnu tout de suite. Donc Michael Biehn, c'est un acteur qu'on a vu notamment dans les films de Cameron. Alors c'était lui qui jouait Kyle Reese dans Terminator, par exemple, où il était un lieutenant dans Aliens. Et puis c'était un peu le chef un peu parano dans Abyss, tu sais. Chef parano dans Abyss, moi je vois qui c'est. Ouais. Donc c'était bien Michael Biehn. C'est un grand plaisir de le revoir pour ma part. Dans un petit rôle un petit peu mineur, mais bien sympathique quand même. Il soutient un peu ça, et puis il y a une espèce de forteresse. Donc le Mando arrive, et puis il discute avec la magistrate, et la magistrate veut qu'il retrouve la Jedi Ahsoka Tano qui lui pose problème. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, il fait semblant d'accepter la mission, parce qu'il a qu'une parole, Mando. Mm-hmm. Et tu vois, dans le texte, c'est vachement bien tourné, parce qu'il dit jamais qu'il va retrouver la Jedi ou qu'il va l'aider. Tu vois, il dit, quand elle dit « si tu m'aides, je te donne la lance en Beskar », puis que sa réponse, c'est « où puis-je trouver cette Jedi ?» Tu vois, il accepte pas la mission. Ça, c'est franchement bien, quoi. Des petits détails comme ça qui te disent que le Mandalorian, il était déjà un peu con avant quand il s'est penché au bord de l'eau. Mais là, tu vois, il redevient le Mandalorian voilà, qui a une parole et puis qui va la respecter. Il est un peu plus en alerte. On voit qu'il réfléchit un petit peu plus sur sa manière d'agir, quoi. Ouais, ça lui fait du bien de prendre le bain forcé, là, maintenant. Il réfléchit un peu plus à ce qu'il fait. Ouais. Voilà, quoi. Donc, il y a tout cette... Puis on voit quand même que l'intro est vraiment sympa, quoi. Je veux dire, pas sympa, mais impressionnante. Où tu vois que Ahsoka Tano, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le double sabre laser. Donc, la force aussi, parce qu'elle envoie des morceaux d'arbres. Tous les gardes se font, mais complètement dévastés, qu'on va dire, ils se font rétamer. Bah, c'est une Jedi, quoi. Ce qu'on attend d'une. Pas encore le niveau d'une Jedi, mais plus une bonne Padawan. Elle est extrêmement dangereuse. Et ce qui arrive, c'est que au début, Mando et Tano et Ahsoka, ils sont quand même adversaires, quoi. Il y a un petit combat. Ça dure pas longtemps, heureusement, parce que elle remarque quand même qu'il y a un Jedi avec lui, un petit Jedi. Ouais, puis il lui dit d'arrêter, quoi. Enfin, il défend et il dit, je suis pas là pour te tuer. Et bon, là, ça passe assez bien. Et il lui demande de savoir si de prendre contact avec ce petit Jedi qui est Baby Yoda, donc surnommé Baby Yoda, et on apprend à partir de ce passage-là qu'il s'appelle Grogu, quoi, en fait, et qu'il est impassif. Donc il a déjà pendant la guerre des clones, ça se déroule entre les épisodes 2 et 3, il a commencé déjà à apprendre de ses pouvoirs, mais il a un petit peu laissé tomber pour pas se faire repérer, quoi. C'est ça qui s'est passé. Ouais, puis il a été caché dans le temple Jedi lors de la purge. Ouais, c'est ça. T'en peux rien confier à Anakin, hein. Franchement, il fout pas le... Ah ouais, mais il a massacré tous les jeunes enfants. Il en a raté un en plus. Quel connard. Non seulement il joue mal. Et en plus il en a raté un. Lui, donc, il a été caché par on ne sait qui, parce que de toute façon, c'est vrai qu'il y a une période assez obscure. Apparemment, il a perdu la mémoire. Et on sait aussi qu'il y a une relation très forte qui s'est développée avec le Mando, quoi. Donc, Din Djarin, de son vrai nom, quoi. Ah, parce que Ahsoka, quand Jin demande à Ahsoka de le former, elle veut pas parce qu'il a une trop grande attachement à lui, quoi. Alors ça fait référence, au fait, au fait que Anakin a quitté sa mère très tôt. Très tard. Oh non, très tôt. Non, parce que Anakin, dans la prélogie, c'est ça? Ouais. Les maîtres Jedi disent à Qui-Gon, il est trop vieux pour qu'on le prend. Ouais, mais lui, par rapport à lui, de quitter sa mère alors qu'il est encore gamin, c'est ça qui a commencé un petit peu à le faire basculer du côté obscur. Ouais, parce qu'il était trop... Parce qu'il y a eu peur pour sa mère. Il y a eu peur pour sa mère, c'est-à-dire que comme les Jedi, apparemment, c'est une secte où les enfants sont enlevés à la naissance, là, c'est plus pratique, du coup, ils connaissent pas leurs parents, quoi. T'as le côté un petit peu côté obscur, là, du Jedi, là, on n'est pas chez les Sith. vite. Hein. Ah, je suis désolé, les Jedi pour moi c'est des connards. Hein. Mais bon, mais je veux dire là, ils sont, enlevés pas plus ou moins à la naissance parce que si Anakin est déjà trop vieux pour suivre l'entraînement, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il ait d'attachement familial, tout simplement. Parce que sinon, si tu crées un attachement, tu crées une peur. Et si tu crées une peur, ça amène vers le côté obscur de la Force. C'est ce que dit Yoda, quoi. La peur mène à pas le citer, mais je me souviens plus la phrase, mais peur mène à haine, la haine mène à la souffrance, et la souffrance mène au côté obscur, par exemple, tu vois. Donc c'est tout le cheminement qui fait que Grogu pourrait se tourner vers le côté obscur. Tu vois, ça fait référence à ça, parce qu'elle dit qu'il est trop tard pour Grogu parce qu'il est attaché. Donc à partir du moment où t'es attaché, t'as un gros risque d'aller du côté obscur de la Force. C'est pour ça que Anakin, quand sa mère meurt dans l'épisode 2, c'est qu'il fait une scène assez dramatique. Et c'est là qu'il y a vraiment un premier basculement vers les Sith, quoi. Ah, c'est l'élément, pour moi, c'est l'élément déclencheur, ça, et le fait qu'il ait pas été reconnu par l'ordre Jedi, comme ouais, mais ça, c'est dans le 3, tu vois, c'est ça, moi, quand ils s'en prennent à sa mère, c'est humain, quoi. Si on s'en prend à quelqu'un, t'as envie de te venger. Ce qui pose problème dans le 3, c'est le retournement de veste qui est assez spectaculaire d'Anakin envers le Palpatine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça se fait d'un coup. Ça se fait pas progressivement pour moi. C'est ça qui est brutal dans l'épisode 3. Dans l'épisode 3, la revanche des Sith. D'accord, la revanche des Sith. Ça se complique, hein. Donc quand il trahit, justement, il doit aider Mace Windu. Donc Samuel Jackson. Il doit aider Nick Fury. En plus, il est dans les deux univers, lui. Hein. Donc il doit aider, mais non, il choisit plutôt d'aider Palpatine. Et ça n'a pas beaucoup de sens, comme je trouve. Ouais, sur excuse que Palpatine a dit qu'il pouvait sauver Padmé. Ouais. Ça fait un peu léger, quoi. Ouais, mais il s'est fait manipuler quelque part, parce qu'il l'a pas sauvé, finalement. Ah, il s'est fait manipuler, puis aussi, il avait été déçu de qu'ils l'ont pas accordé le rang de maître, quoi. Alors c'est un peu du hors-sujet, là. C'est rare, du hors-sujet sur Star Wars. On se détourne un peu, parce qu'on, je crois qu'on on fera un spécial, tu sais, prélogie, tu sais, pour dénoncer un petit peu tous les défauts de la prélogie. Ah non, je regarde pas Jar Jar. Jar Jar Binks. Dinner Returns. Normalement, le spin-off sur Jar Jar Binks. Et en fait, le parallèle, c'est ça, c'est-à-dire Ashoka, comme elle connaît l'histoire de Anakin, elle sait qu'il y a un grand danger quand il y a un attachement à former un Jedi, quoi. Bah, dans Clone Wars, déjà, il y a un combat entre Vador et Ahsoka. Et au début, elle sait pas que c'est Anakin. Mais après, elle voit que c'est lui. Et c'est pour ça qu'elle dit, ouais, il va finir comme lui, j'ai pas envie qu'il finisse comme lui, toi. Exactement. Donc ça veut dire que là, elle est en train de succomber à la peur. C'est ça. Donc tu vois, les Jedi, c'est des connards. Donc Grogu, bien sûr, il essaye tout, et puis il doit prendre la pierre. Et puis il écoute pas parce qu'il y a Mando, il y a cette scène assez cocasse entre Grogu et Mando. Et puis il dit avec la pierre ça marche pas. Par contre avec le la boule du Razor Crest, non du Silver Crest, ouais. Non Silver Crest c'est Lidl, donc du Razor Crest, du Razor Crest. Là ça marche. Hop, ça marche parce qu'il y a un fort attachement du côté Mando. On sait qu'il y a un attachement, mais on le saura que dans beaucoup plus tard. L'histoire de la boule, c'est pour dire aussi que il coopère pas avec Ashoka, mais il coopère volontiers avec Mando, ce qui prouve que Mando, il y a une influence sur lui, quoi. Il y a une forte influence. Voilà, donc Ahsoka, tout ça, elle refuse de le former. Bah, du coup, il fait croire à la magistrate qu'il a tué Ahsoka. Il retourne à la forteresse. À la forteresse pour dire qu'il a tué la Jedi. It's a trap! c'est un piège, et puis on voit tous ces gens qui sont attachés à l'entrée, là, tu sais, ça fait un petit peu. L'équivalent des cages, mais on va dire en plus moderne, des cages où autant fermer les hors-la-loi au Moyen-Âge. Les paysans et tout ça, là. Enfin, ceux qui coopéraient pas. Ça fait vraiment, il y a vraiment une vibration, je veux dire. Japon médiéval, quoi. Il y a plusieurs styles là-dedans. Ouais. Tu vois, Japon médiéval, ouais. Médiéval tout court. Ouais. Et aussi western. Il y a les trois, quoi. Oh, ouais. Ça a les trois inspirations et ça marche super bien. Ouais. Les scènes marchent super bien. Mmh. Ouais, puis il y a le côté Chambara quand tu disais. C'est un Chambara. L'affrontement au sabre, quoi. L'affrontement au sabre entre Ashoka, qui normalement devrait la plier en deux secondes, la magistrate, mais bon. Il y a encore un rapport de force qui va pas non plus. Il y a un rapport de force qui va pas. Mais bon, ça c'est Star Wars, hein, c'est normal. Non, l'habitude avec les rapports de force. Hein. Oh, ouais, là, elle a deux sabres, elle se fait malmener alors que il suffit qu'elle la lève en l'air et puis qu'elle l'envoie balader. Elle vient de le faire avec un arbre, juste la scène d'avant. Parce qu'elle se bat avec une espèce de lance. En Beskar. En Beskar qui résiste. Ah là, du coup, c'est du Beskar laser, pur, quoi. Elle le dit. Hein, celui-là, il résiste au laser. Mais tu vois, il chauffe quand même. Il chauffe pas. Dans ce passage-là, il chauffe pas. C'est dans l'autre épisode. Ouais, on en reviendra. Ouais, on en reviendra tout à l'heure. Et tu vois, donc, du coup, ça équilibre entre guillemets le combat. Mais normalement, un Jedi est plus fort que ça, quoi. Même un Padawan. Hein. Bah, elle est plus tellement Padawan, Ahsoka, parce qu'elle a quand même passé le stade. Elle a refusé d'être Jedi. Ahsoka Tano a refusé d'être Jedi. D'accord. Bah tu fais bien de le dire parce que je connais pas bien l'histoire d'Ahsoka dans les Clone Wars et Rebels. Bah c'est juste la Padawan non déclarée. Clandestine. Clandestine, entre guillemets, d'Anakin. Et en fait, elle n'était pas d'accord avec certaines idées de l'ordre Jedi. Mmh. Et du coup, elle a refusé d'aller jusqu'au bout et de devenir une Jedi. D'accord. C'est pas une Padawan, c'est pas une Jedi. Elle a quand même des bonnes bases Jedi, parce qu'Anakin, c'est pas le pire des professeurs, on va dire. Mais elle refuse de... C'est même le meilleur, hein, pour moi. Elle veut pas rejoindre l'ordre Jedi. C'est même le meilleur du côté, pour les Jedi en tant que combattants. C'est le plus grand des combattants de Jedi, Anakin. Il a quand même pris de Obi-Wan Kenobi, donc... Il est supérieur à Obi-Wan, hein, quelque part. Bah, ça dépend. D'ailleurs, il devient pas trop supérieur quand il se fait couper les quatre. Ce qui est un peu incohérent avec le duel sur Mustafar, là, quand ils sont à deux, là, c'est que Obi-Wan, il arrive quand même à le battre assez facilement, quoi. Bah ouais, mais il y avait déjà 2h30 d'enregistrement, là. Fallait vite couper après. Donc, c'est un peu, on va dire, des facilités scénaristiques de Lucas, quoi. Bah, ce qui se passe, c'est que... Bah, là, elle va rendre le village au maire du village, qui était donc celui qui se faisait tout petit et qui essayait de libérer et d'aider les... Ouais, il y a ça aussi, ils sont sous la tyrannie, ouais. Voilà, tu vois, il n'y a pas vraiment de dialogue, hein. Ça fait vraiment conte japonais, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a plus d'action. Et l'autre, qui pose ses armes, mais tu sais qu'il est encore armé, et puis Mando, et lui, ça c'est très western, hein. C'est super western, tu vois. Puis voilà, ça se termine bien, à part que lui, elle fait quand même un coup d'arnaque parce qu'elle dit, si tu m'aides à reprendre la forteresse, je vais former Grogu. C'est ça qui était une question, à un moment. Ouais, j'ai pas souvenir de ça, mais en tout cas... Si, il avait passé un deal. Parce qu'à la fin, elle dit, bah non, pour finir, tu te démerdes. Ouais, c'est ça. Donc, elle lui dit... Va sur cette planète-là pour... Bon débarras, quoi. Va sur cette planète-là pour le scénario et après, tu te démerdes. Donc, encore une fois, il se fait envoyer sur les roses, hein, le pauvre Mando. Et puis, une fois, le Razor Crest mange pas, donc ça va. Et puis, voilà, quoi. Le Razor Crest... qui a été réparé avec une vitesse incroyable, hein, dans le précédent épisode. Moi, mon prochain véhicule, ce sera un Razor Crest, parce que 2 heures, c'est assez pour le réparer de fond en comble. Mais on verra après que, donc lui, il repart. Avec une coordonnée. C'est-à-dire qu'elle lui dit, va sur cette planète, sur cette planète-là, il pourra rentrer en contact avec des vrais Jedi. Mm. Et encore une fois, il y a cette relation émouvante entre Grogu et le Mando, tu vois. Il doit le laisser partir, mais il est quand même triste, on le voit quand même. Il est temps de se dire au revoir, tu vois. Et puis Grogu, il veut pas partir, bien sûr. Puis surtout que quand elle dit Grogu est trop attaché à toi, je peux pas m'en occuper, il faut que tu le gardes. Il insiste pas, tu vois. Ouais, je le garde. Parce que il s'est vraiment attaché. Il est attaché. Et comme je te disais la dernière fois, tu me dis on va revenir à cette relation parce que elle est plus développée dans les autres épisodes. Il dit il s'en va. Mais ce que je voulais dire, c'est que t'as encore cet esprit de cette série qui est apparue dans les années 70, c'est Baby Card. Donc c'est Lone Wolf and Cube où t'as cette espèce de vagabond japonais qui balade son fils à travers le Japon, quoi. Copié sur ce principe-là, tu vois. Tu le vois pas, ouais, c'est parce que, il y a le truc, je vois de quoi tu parles. Tu vois le Baby Cart, ouais. Ouais, où le Ronin, il prend quelqu'un sous son aile. C'est ça, c'est un Ronin, Parce que c'est un orphelin. C'est un assassin, quoi. Et que lui, c'était un assassin qui a tué, qui a fait des orphelins. Là, c'est pas par contre, pas parce qu'il était orphelin, mais parce qu'il avait fait beaucoup d'orphelins. Et du coup, c'était sa façon de payer sa dette. C'est-à-dire de transmettre ce qu'il sait et de dire, de transmettre ses valeurs, donc sur Bushido, à une nouvelle génération et de créer un lien de filiation avec un inconnu. D'accord. C'est-à-dire que le lien de la famille, c'est pas parce que t'es en gros biologiquement responsable de quelqu'un que t'es de la famille. Par contre, si t'as décidé d'adopter quelqu'un et de lui transmettre tout ce que tu sais, là, tu deviens son père. Ouais, c'est ça. C'est ça le rapport. Hein. Mais dans Baby Cart, apparemment, ce serait son vrai fils qui l'accompagnerait sur les routes. Mais bon, j'ai jamais vu, mais il paraît que c'est super intéressant comme série, quoi. Même le manga, parce que là-bas, c'est un manga. Mais voilà, quoi. C'est pour un peu faire cette filiation Mando, Baby Cart. C'est un peu le même principe, à part que c'est transporté dans l'espace avec un petit coup de western et de... Voilà pour cet épisode, que j'ai trouvé très bon, hein, franchement. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de défauts comme certains épisodes, quoi, tu vois. Bon, à part le duel avec entre Azuka et la magistrate, quoi. Ouais, c'est un petit défaut, ouais. ça passe. C'est vraiment minimal, quoi. C'était pour faire durer le combat, tout simplement, à la Kill Bill, hein, un peu, quand même. Bon, on va passer au suivant. Donc, c'est le chapitre 14, la tragédie. Alors, tout est dans le titre. Voilà, dans le titre, une tragédie. Donc, on va passer à l'épisode 15. 16. Donc là, c'est le premier épisode d'une trilogie, on va dire. C'est-à-dire que après ça va être tout en continuité. Les épisodes vont être tout en continuité. Il y a vraiment un fil rouge. Et puis il arrive sur la planète Tytoon, qui Azoka lui dit d'aller sur un rocher qui est situé sur une montagne et qu'il doit poser l'enfant. Et puis justement ils arrivent là. Et puis c'est marrant parce que il se pose, il dit Ah, je peux pas me poser. Comment on va faire pour y aller? Puis on voit le Mando qui, avec le petit gros goût, là, qui est en train de... En jetpack. Ouais. Puis faut quand même saluer la qualité d'animation de la marionnette, quoi. Elle est vraiment super expressive, quoi. Bah, je te dis, il y a un moment, on en parlait, justement, tu me dis, ah, putain, là, et puis t'as vu la marionnette quand elle bouge, et puis à un moment, j'ai bloqué, je fais, bah non, c'est un CGI. Puis tu dis, non, c'est une marionnette. Il y a du CGI, mais il y a du, d'ailleurs, il y a Robert Rodriguez. Bah, ce passage-là où tu me disais, quand il est avec la marionnette dans les mains et que tu la vois qu'elle bouge, mais non, c'est du CGI, et là, tu me fais, non, c'est une marionnette. Je fais, bah, je vois pas la différence. Ah, tu vois pas la différence? Ouais, c'est bien fait. Hein. Non, c'est super bien fait. D'ailleurs, il y a même Robert Rodriguez qui était le réalisateur de je sais plus quel épisode, et il avait posté une vidéo sur je sais plus Twitter, et on voyait qu'il jouait de la guitare, et puis à un moment à côté t'avais Grogu en marionnette qui s'animait avec ses yeux, ses oreilles qui bougent, enfin c'était impressionnant parce que t'avais vraiment l'impression d'avoir un personnage vivant, toi, tu vois. C'est, bah, de toute façon, Yoda est un Yoda à part dans la prélogie, tout le reste dans l'Empire contre-attaque et dans le Jedi, c'est une marionnette, hein, il y a pas de CGI du tout. Hein, et le personnage a l'air bien vivant, hein, tu vois, c'est ça qui est quand même la qualité. Et encore, ça date, mais je veux dire, là, franchement, il y a des moments dans la trilogie originale, on commence à avoir du mal, hein, trilogie, post-logie, tu vois qu'il y a des moments, tu vois que c'est une marionnette, hein, complètement. Ouais. Mais là, dans Mandalorian, ouais, quand t'arrives à te dire, c'est un CGI ou c'est une marionnette, c'est-à-dire que le travail est bien fait. Hein. Il y a la confusion, quoi. Le travail est là. Ouais. Voilà, quoi, un petit aparté pour dire, ah bah ouais, vous avez une marionnette, vous avez des espèces à l'ancienne, tout n'est pas numérique. Et ça marche bien. Ouais, et ça passe super bien à l'écran, quoi. Donc il arrive, il pose le petit bonhomme sur le rocher. Puis il y a une espèce de halo bleu qui s'élève vers le ciel. Ouais, un champ de force. Hein. Donc, Ah, c'est pas vous. Je fais les bruitages, parce que... Alors, on n'a pas le droit de les mettre, on se laisse traquer. Du coup, on fait les musiques et les bruitages à la bouche. Putain, le thème de Yoda. Non, je déconne. Mais lui, donc, il va contacter les Jedi. Tous les Jedi qu'il peut dans le coin, quoi. C'est-à-dire que la force, elle va faire le wifi, quoi. C'est une balise GPS, ouais. Hein, ouais, plus ou moins, c'est ça, une balise. Mais il y a un problème, c'est que t'as un autre vaisseau qui arrive. Alors là, ça fait super fanboy, hein. Ah ouais. C'est le Slave One de Boba Fett. Donc il connaît peut-être le vaisseau de Boba Fett, mais il sait pas que Boba Fett, c'est un chasseur aussi, quoi. Il se pose, il y a une espèce de combat qui est assez sympathique. En fait, ils sont à deux maintenant. Il y a Boba Fett et puis il y a l'espèce de mercenaire Fennec Shand, qui avait été laissé pour morte. Fennec Shand. Ouais, Fennec qui avait été laissé pour morte par Mando, qui a été sauvé apparemment par Boba Fett. Qui jouait par Ming-Na Wen, qu'on avait vu dans Les Agents du Shield, par exemple. Et c'est elle, j'ai vu l'autre jour, je dis, et c'est elle qui joue Chun-Li dans Street Fighter avec Van Damme. Mais ça date, cette affaire. Ah oui, ça date. Hein. Ouais. Donc Street Fighter, une perle du nanar aussi, hein, ce film-là. Non, le meilleur film de tous les temps. tu préfères Street Fighter ou Mortal Kombat entre nous, là? Ah non, mais c'est un autre sujet, ça. Et je veux pas répondre. D'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'un prochain duel nanar, tu sais. Ah ouais, ou alors on réagit en live, on regarde les deux et on réagit en live. Ouais. On fait du direct live, quoi. Donc ils sont à deux, et puis ils essayent de... En fait, ce qu'ils veulent, c'est récupérer son armure. Donc l'armure qui avait été possédée d'ailleurs Cobb Vanth dans le premier épisode, dans le chapitre 9, je crois. Ouais. Et il lui avait donné au... Mais lui, ce qu'il veut, c'est récupérer son armure qu'il avait perdue, qu'il avait d'ailleurs perdu quand il est sorti du Sarlacc, quoi. Parce qu'on sait... Maintenant, c'est une certitude, Boba Fett a survécu au Sarlacc. Ouais, enfin, je veux dire, Boba Fett, ça fait déjà 10 ans qu'il aurait pu la récupérer en massacrant du Jawa ou à la rigueur en allant tuer le marshal de la ville. Oh non, il y a tant que c'est un Mando qui le récupère, quoi. Bah, ça renvoie le scénario aussi, hein, quelque part. Ah oui, c'est juste pour ça. Bah, il n'y a pas que Boba Fett et Fennec Shand qui sont là. Bah, il y a le retour de Gideon, justement. Il y a d'abord le retour des Troopers. C'est-à-dire qu'ils envoient des... On va rigoler. Ouais. Là, c'est la foire à la saucisse. Hein. Ouais. Là, alors, ils arrivent dans les transporteurs, dans les patrouilles. Ça flingue de tous les côtés. Ils sont 4 mois, souviens-toi. Mais surtout que... Donc, ils ont quand même une trentaine, les surtout mecs. Surtout que Boba, il est dézingue. Ouais. Il tire pas, hein. Lui, il désingue à la main. Ah ouais, ouais. Avec un bâton de Tusken. Un bâton de Tusken, justement, il exactement. Défonce. Les armures, je sais pas en quoi elles sont faites. C'est de la merde, c'est fabriqué en Chine. Ah, c'est du Made in China. Ah, ils l'ont dû acheter au même endroit que certains jetteurs. De toute façon, ils prennent un coup de laser, c'est bon, ils sont morts, les... Bah, même un coup de bâton de Tusken, les plus explosifs. Ça sert à rien de mettre des armures, les mecs. Ouais, c'est vrai qu'il a été, à mon avis, il a été récupéré par les... par les hommes des sables, les Tusken, quand il y a dû sortir du Sarlacc, parce que il a peut-être été soigné par eux. Ou bah, il est habillé comme eux, il a un bâton Tusken. Il leur pète la gueule avec un bâton, quoi. Bon. Mais t'as les armures qui volent en morceaux et tout. Au niveau de l'action, c'est plaisant. Mais il y a un truc qui m'a fait péter de rire, c'est que ils sont à trois. Ils sont pas capables de... Ils sont tellement nuls qu'ils se prennent un rocher dans la gueule, en plus. Bah, ils bougent même pas. Ils tirent sur le rocher. Après, j'ai un rocher qui me fonce dessus, je me casse, je tire pas dessus. Bon, allez, on se casse, hein. Tu gâtes de cette scène, quoi. Et à la fin, ils s'en vont. Ouais. Bon, allez, on se casse, hein. Ils sont trop forts. Et puis l'autre, il arrive à... Et puis Django Fett, qu'est-ce que tu racontes ? Puis Boa Fett, il est dézingue avec une roquette en faisant tomber un vaisseau sur l'autre, quoi. Ouais, et il dit, il fait le troll, il fait « Ah oh, bah, je visais l'autre. » Ouais, se fait, ouais, puis ouais. Il dit, oh, bah, c'est pour celui-là que je visais. Non, ouais. Donc, il allait dézinguer. Ouais, mais ça suffit pas aussi. L'autre, il dit, Gideon, il dit « Oh, ils sont vraiment nuls, à chier. On va envoyer la troupe. » Donc t'as ces espèces de robots assez sympas, quoi. Non, d'abord, Gideon, il a la seule bonne idée de toute la série Mandalorian. Ouais, ouais, ouais. Comme il a une balise dans le Razor Crest. Ah ouais. Et ben il le dézingue, quoi. Piou, plus de Razor Crest. C'est vrai, c'est avant les Dark Troopers. Avant les Dark Troopers. D'accord. Il dézingue le vaisseau. Avant les Dark Troopers. Puis il y a plus de vaisseau. Ah, Mando est comme ça. Ah, il y a plus de vaisseau, il est baisé. Puis après on va parler des Dark Troopers. Le côté pratique, c'est que au moins Mando il a pas son jetpack, hein, vu qu'il a dû le poser par terre, on sait pas pour quelle raison. Alors ça c'est vraiment du coup, la il a pas son jetpack. Hein. Une facilité scénaristique, quoi. Oh putain, ouais, on a plus le temps là, on a que 40 minutes pour tourner. Parce qu'en plus ce qui se passe c'est que le champ de force il s'annule juste au moment où les Troopers ils arrivent. Donc ça arrange aussi le scénario. Ça arrange le scénario. Parce qu'il aurait pu laisser le champ de force. Il y en a aucun qui aurait passé de toute façon. Bah, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent le petit, puis ils se barrent, quoi. Et donc, Boba, il essaye de le poursuivre dans le Slave One. Mais il dit, ouais, tu vas blesser le petit si tu tires dessus. C'est vrai que. Déjà, ils sont fort hauts, hein. Ouais. Il y a un truc qui pose problème, c'est qu'il y a un problème d'oxygène quand même à ce niveau-là. Attends, on va pas s'attarder sur les problèmes parce que. Hein, on peut pas faire 80 minutes d'enregistrement. On en est qu'au deuxième épisode, là. Grogu, hop, il y a peut-être des facultés de Jedi qui lui permettent de faire de l'apnée, on va dire. Puis il est emmené par Gideon, qui est super content, hein, Gideon. Ouais, ouais, emmené dans pour une fois, il a bien joué son truc. Il a pas fait cette connerie comme dans de dire, bah, je vais revenir ce soir, tu vois, le truc. Ouais, cette fois-ci, il a compris la leçon. Ouais. Il s'est fait avoir une fois, pas deux. Voilà, il a appris de ses erreurs. Il y a plus de vaisseau. Le Mando n'a plus de vaisseau, donc il est un peu baisé. Par contre, Boba Fett, il est content d'avoir récupéré son armure, donc il lui dit, eh ben, je vais t'aider à délivrer le petit, parce que j'ai de l'honneur. Alors que Boba Fett, à l'origine, c'est pas quelqu'un de très honnête, quoi, dans les films, quoi. Ah, si, ça aide le scénario, il peut. Les films, on le voit pas beaucoup, alors. Non, on le voit 7 minutes en tout dans la trilogie. On sait pas, à part se faire dézinguer par un aveugle, il fait pas grand chose dans les films. Il se fait en plus, il meurt d'une façon très con, parce que. Bah, il meurt pas, du coup, mais. Han Solo qui lui donne un coup, puis, du coup, sur jetpack, il fait un peu de travail, donc il tombe dans le trou. Mais c'est un peu ridicule, cette mort, en plus, hein. Oh, pas un peu. Ouais. Oh, pardon. Dit-il en baillant. Non, pas un peu. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. C'est une des grandes tares du 6, donc ça finit comme ça, et puis il retourne sur Nevarro où il y a Apollo Creed et Cara Dune. Cara Dune qui est devenu Rangers de la Nouvelle République. Rangers de l'espace, vers l'infini et au-delà. Voilà, quoi. Mais donc, et puis essaye de localiser ça se termine comme ça, je crois, hein. Localiser un ancien mercenaire avec lequel, qu'on a vu dans un autre épisode où il devait justement délivrer une... Voilà, il commence à monter une équipe. Là, c'est le mec qui avait les flingues sur le dos, là, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est Mayfeld, ouais. Parce qu'ils doivent accéder à un endroit où ils pourraient trouver le vaisseau de Gideon, parce que balise GPS, enfin, j'ai pas compris. Et du coup, ils doivent aller sur cette planète-là spécifiquement pour avoir accès à ce terminal, pour pouvoir justement accéder au vaisseau, mais ils ont besoin de cette personne-là parce qu'elle faisait partie de l'Empire, en fait. Donc ça, c'est le chapitre 15, et ça s'appelle Le Repenti. Donc on retrouve Bill Burr qui reprend le rôle de Mayfeld, t'as Cara Dune qui les accompagne, donc ils sont un beau commando maintenant, hein. Ils sont 5. Hein. Ouais, t'as aussi Fennec, donc il est en appui, en appui sniper, ouais. Et Boba qui fait lui l'appui aérien, quoi. Ouais, ouais, donc ils sont à 4, ils sont à 5, quoi. En fait. Mando, Fennec, ouais, Marshall, l'homme au pistolet et Boba. Ils arrivent sur la planète Morak, donc il y a une planète qui est un peu... où il y a encore des réminences de l'Empire, hein, on va dire. Ça, c'est Pandora, cette planète-là. C'est-à-dire que l'Empire, il prend du métal, ou je sais pas, des matériaux. Bah, déjà, il transporte avec des véhicules, avec des roues, alors que c'est la première fois que je vois des roues dans Star Wars. Ah non, ce genre de véhicule, tu les vois dans l'épisode 3 sur Kashyyyk. Quand tu sais, avec la planète de Chewbacca, là. Pour moi, c'est la première fois que je voyais des trucs avec des roues. Les genres de véhicules, tu les vois tu le vois dans l'épisode 3. Ah, parce qu'ils transportent un matériau volatile. Ouais. Ça veut dire que si tu fais trop de boss, un peu comme la nitroglycérine, ça explose. Ben, je veux dire, les mecs, vous avez des overcraft, des machins, mais pourquoi vous emmerdez avec des trucs qui ont des roues? C'est vrai qu'avec un truc volant, ce serait moins, moins contraignant, quoi. Surtout qu'ils disent pas qu'ils n'en ont pas parce qu'ils ont des TIE Fighters qui traînent. Ouais, en plus. Donc, c'est un peu débile. En plus, ils sont même pas escortés par les Starfighters. Les TIE Fighters, parce que comme c'est dangereux que c'est pression, plus comme cargaison. Ouais, puis ils sont deux, hein. Deux par cargaison. Je veux dire, tu mets 4 mecs armés sur le toit, il y en a plus un qui approche de ton truc. Bon, on va dire qu'il y a les pirates qui arrivent, et là, ça fait super western, quoi. Avec l'histoire de la diligence et tout, une fois de plus, quoi. Ça fait le plus Mando, attaque du train qu'attaque le Mando, de la diligence. Le Mando, bon, il veut pas enlever son casque parce que c'est un principe. Donc il met un autre casque, mais c'est pas grave. Mais Feld, il dit, ouais, t'as qu'à enlever ton casque, de toute façon, on est cool. Il monte sur le toit, puis t'as tous les espèces d'indiens, qu'en fait, ils sont un petit peu indigènes, quoi. Bah, ce que je dis, c'est indigène, c'est Pandora, la planète. Ouais, ouais. Et par contre, ce qui est bien tourné, c'est que, tu vois, il a pas son armure en Beskar. Ouais. Donc il morfle quand même, quand même. Mais c'est un Mandalorian, donc il morfle, mais il arrive à les tataner. Les techniques de combat, elles sont... Elles sont au point. Surtout que même son arme s'enraye, quoi. Si, il y a plusieurs aussi facilités, puis le fait qu'il y a quand même Fennec et Cara Dune qui sont en arrière-plan, donc quand ils peuvent avoir une cible, bah ils y vont. Ah bah là, la scène de fuite à la fin, ouais, c'est ça le fait, je suis désolé. Ouais. Les mecs, ils passent par la fenêtre, les troopers passent par la fenêtre, mais ils se font dégommer un par un, quoi. Enfin, ça, c'est bien fait. Ouais, ouais. Donc ils arrivent de but en blanc, ils arrivent quand même à dégager tous ces des pirates. Bon, il y a un peu de facilité quand même avec les bons vins, faut avouer. Bah à la fin, ils vont se faire niquer, et puis là, t'es content de voir deux TIE Fighters qui tirent, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des TIE Fighters qui arrivent. Ils arrivent à temps, quoi, ouais. Ouais, ils arrivent juste à temps. Et puis après, ils rentrent dans le truc, et puis ils sont accueillis en héros, quasiment. Lui, il enlève pas son casque, et puis hop, il doit rentrer dans le mess des officiers. Je sais pas, il y a une espèce de resto de... Bah justement, la console pour trouver le vaisseau de Gideon, donc il y aura une balise GPS, enfin un truc équivalent. Ouais, c'est ça. Faut rentrer dans le mess des officiers, mais alors ça, c'est débile. C'est-à-dire, faut montrer ton visage pour que tu soit scanné. Je veux dire... Il y a un truc qui va pas, là. Il y a un truc qui va pas, parce que personne connaît le visage de Mando. Alors pourquoi, lui, quand il scanne, ça marche? Ils ont pas une base de données avec les visages des gens? Bah, pas avec Mando. Mando, ah ouais, mais s'il reconnaît pas le... Bah voilà, ça devrait sonner. Ça devrait être... Il y a que le pistolero qui pourrait y aller, parce que c'est un ancien de l'Empire. C'est la super facilité de l'épisode. Super facilité. Ouais. Ouais. Juste pour te dire que Mando, il est prêt à tout, parce qu'il va enlever son casque pour sauver Grogu. C'est ça que... C'est tout. C'est juste pour dire ça. On voit que l'attachement, il est fort et qu'il est prêt à enlever son casque. Il est prêt à tout. C'est-à-dire que là, il renonce à ses principes pour sauver l'enfant. Il n'y a plus la mission, là. Maintenant, c'est... C'est devenu personnel. C'est son fils, quoi. C'est comme son fils maintenant, tu vois. Donc il a enlevé son casque et tout, et puis finalement, c'est certainement l'épisode où on le voit le plus sans son casque. Ouais, hein, puis après ils se prennent une altercation avec Moss Tarkin. Ça m'a fait puis après il y a Max Lord. Non, et puis voilà, et puis ils discutent, et puis il dit, tu veux faire un vœu. Alors tu dis la planète, on a tué du monde. Il y a bien une tranche de nazi, le mec. On a bien fait de les tuer, tu vois, et tout comme ça. Et puis c'est là où Lot, il pète un plomb. Après c'est la rédemption de Lot, c'est-à-dire que là il pète un plomb, il tue tout le monde. Le pistolero, il dit l'Empire, j'en ai moi un Macla qui m'ont fait faire des trucs de dingue. Ouais, puis là il pète un plomb, il tire, et puis voilà. Bah ils auraient dû commencer par là, hein, ça évitait tout le truc. C'est vrai qu'on apprend que Mayfell est un ancien de l'Empire, en fait. On ne savait pas dans l'autre épisode. C'est pour ça qu'ils vont le chercher, parce que comme c'est un ancien de l'Empire, il a accès. Alors ils vont chercher lui parce que c'est un ancien de l'Empire, donc il a accès à la base de données. Après, pour finir, c'est Mando qui met sa tête, quoi. Ils avaient pas besoin de lui, hein. Il y a des trucs qui marchent pas dans cette scène, je trouve. Non, il y a des trucs, en même temps, quand Pilote, il pète un plomb, mais c'est très risqué parce que tous les troopers y vont arriver après. Bah, surtout qu'il veut pas rentrer dans le mess des officiers parce qu'il connaît le gradé, que c'était un ancien chef à lui et qu'il veut pas se faire reconnaître. Ouais. Pour finir, après, il va aider Mando et visage découvert. Mais lui, il est sourd, tu peux rien faire. Tu te souviens, ma tronche? Quoi, on va dire que on peut mettre ça sur le compte de l'oubli. Les mecs croisent tellement de soldats et de machin que peut-être qu'ils ont oublié sa face. Mais après, il y a la super facilité. Ils passent par les vitres, là, une espèce de... Bah, par les fenêtres, hein. Ouais. Donc, ils montent. Ils montent de plus en plus, donc ils ont pu, ils sont un peu, on va dire, compressés, quoi. Les troopers. Ils sont acculés. Les troopers. Ah ouais, les troopers, ils passent que par là pour les suivre. Et ils se font, ils se font dégommer un peu. Ah ouais, par Fennec et Caro, ouais. Et là, ça le fait. Ah ouais. Parce que vu qu'il y a qu'une sortie. Là, il y a un bon point de vue, là. Ouais, il y a un bon point de vue. Puis après, t'as Boba qui arrive pour les sauver, donc ils jettent dans le vaisseau. C'est pas mal cette scène de. Ouais, cette scène-là, elle est bien faite. Elle est vachement bien faite, quoi. Puis ça y est, quoi. Alors ils disent, on va arriver de loin. Hein. Oh bah, je vais devoir retourner dans prison, tu sais. Mais moi, je l'avais vu arriver de loin. Mais d'abord, il se venge. Il dit, tiens, donne-moi une grenade. Puis, je sais plus quoi. Il balance sur quoi, déjà? Bah, il balance sur, justement, ce qu'ils viennent de ramener de convoi qu'ils avaient pas fermé. Ah oui, c'est vrai. Puis, il fait tout exploser là-bas. Ah ouais, tout, il bombe, quoi. Et puis, il leur dit, voilà, ça sera déjà ça en moins pour l'Empire, un truc dans le genre. Ah ouais. Il dit, ouais, c'est bon, ouais, bande de connards. Puis du coup, il dit, ah, oh, bah, tu les aimes pas, bah, du coup, comme tu dis, bah, du coup, on va te laisser en liberté. Ouais, ils disent, ils font une espèce de troll, enfin, de troll de. Carole fait, ouais, bah, je veux dire qu'il est mort dans le. Il est mort dans la mission, quoi, ouais, tu vois. Quel dommage qu'il soit mort pendant la mission. Moi, je pensais que Mayfeld, après, tu vois, il serait dit, bah, je vais vous aider, tu vois. Mais non, il se barre. Je pensais aussi qu'il allait le retrouver jusqu'au bout, mais non, il se barre. Mais non, ça, c'est pour faire le. Enfin, je te raconterai au dernier épisode, ça, pour ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Mais cet épisode, il marche assez bien aussi, je trouve. Il marche bien. Il y a pas trop d'incohérence. À part dans le mess, là, une espèce de restaurant, de salle de pause. Là. Après, ça fait, cherchons la bagarre dans un saloon. Ça reste toujours dans très westernien. Ah oui, le westernien, l'esprit westernien, il y est dans cet épisode aussi. Ouais, bah, Gideon, on le voit presque pas dans cet épisode. Hein. Bah, c'est pas plus mal. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est quand tu dis l'autre, il a vraiment une tête de méchant, tu vois, ça fait très western. Ouais, il fait vraiment nazi, le ça mec. Ça fait vraiment le bon, la brute et le truand, quoi. Donc, on est déjà au chapitre 16, donc le dernier épisode, attention. Là. Donc là, c'est le sauvetage. C'est pas le mieux réussi, mais bon. Et là, c'est de l'action, en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire que maintenant, ils ont la localisation de. Un peu facile quand même, cette affaire. Ouais, du coup, ils chourent. C'est-à-dire quand que même, le vaisseau, il reste toujours à la même place, quoi. Ils chourent quand même une navette impériale. Ouais, quand même. Ça leur a pas comme servi dans... de leçon. En fait, il y a plein de références à l'épisode 6. Mais on continue dans ils apprennent que dalle, l'Empire. Ouais. Autant Gideon, il a enfin réussi à exploser le Razor Crest, autant il se laisse toujours avoir. Ouais. Moi, je m'attendais à un moment à quelqu'un qui fait « Allô, allô ouais. !» On vous entend pas. T'attendais un Hux qui dit « Allô, allô ?»« Allô, allô !» Et Damron. Ouais, c'est assez ridicule. Donc, ils voient un truc et puis ils font semblant que c'est pas mal comme plan pour approcher le... T'as le Slave One qui fait la poursuite avec la navette. C'est l'Empire. Ouais. D'ailleurs, t'as Boba qui poursuit la navette pour faire genre « on est attaqué ». L'Empire, ils en ont rien à péter, ils tirent. Ouais, mais il y a le savant à bord. Donc ouais, le savant, ils en ont rien il à foutre, ils tirent. Ouais. C'est l'Empire. Ouais, mais je sais pas, je crois qu'il y a une histoire du savant qu'il était à bord, donc bah, celui qui fait la génétique, tu sais. Non, pour moi, c'est facilité scénaristique. Ouais. D'ailleurs, en gros goût, on le voit pas du tout dans l'épisode 15, si je sais bien. À part peut-être une scène où il défonce deux troopers par la force. Ouais, c'est ça. Enfin, il défonce pas. Il est étranglé, je sais pas quoi, là, ouais. Et qu'après, il y a Gideon qui arrive avec les menottes. Enfin, bref, il arrive à rentrer facilement quand même, faut le dire. Puis c'est l'espèce de stage commando, hein. Les troopers, ils se font désinguer. Bah voilà, là, t'as Mando qui part de son côté. Ouais. Boba, bah, qui fuit avec son truc, avec sa navette. Il se barrer, ouais. Il peut pas faire grand chose d'autre. Et après, voilà, une scène avec les femmes. Les deux Mando. Ouais, mais là, ça fonctionne. Fennec et Cara Dune. Ah oui, parce qu'on a oublié de dire que, entre-temps, il est retourné sur la planète où il y a les... Et c'est là où il a eu le les réparateurs du Razor Crest, d'ailleurs, il me semble. Voilà. Et puis, il veut recruter Bo-Katan Kryze, qu'on a vu dans l'épisode, dans un épisode précédent. Donc, il se noyait, d'ailleurs. Donc, il y a le trio Mandalorian, en fait. Ouais. Et donc, eux, ils acceptent... on sait pas très bien, c'est un peu obscur pourquoi ils acceptent. Ah ouais, elle veut le sabre noir. Bo-Katan, elle accepte à condition que le sabre noir lui revient. Ouais. Donc, tu vois, elle dit jamais, il faut que j'affronte celui qui a le sabre noir. Donc, c'est de sa faute. Indirectement, ouais, c'est un peu de sa faute. Mais on va revenir au niveau du final. Ils sont... c'est le truc féministe, hein, complètement dans cette scène-là. Ah, ça, c'est Effie Badass, voilà. Ouais. Donc, mais ça marche bien. Ça fonctionne super bien. Surtout contrairement à Bird of Prey, où c'est catastrophique. Surtout quand Cara Dune, elle a son arme qui s'enraye. Mais ça, c'est génial. Enfin, je veux dire, elle tape dessus. Elle t'y croit à mort. Même Fennec, tout ça, ça marche bien, je trouve. Ouais, ça marche super bien. Aussi, tu vois. Donc, vraiment, une scène d'action avec des femmes, c'est de la classe, quoi. Mais même, c'est une scène d'action, et je veux dire, c'est pas mis, on est des femmes, on est mieux que vous. C'est mis, on est des Mandalorian et deux élites impériales. Ouais. On est meilleur que des troopers. Mmh. L'action, c'était ça, tu vois. Ouais. Deux élites impériales? Non, pas deux. Fennec et Cara, c'est des anciennes Cara, je crois que c'est une ancienne rebelle. Partie de la rébellion, je crois. Pas un tatouage impérial, Cara Dune. Je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle était plutôt du côté de la rébellion. Deux élites et deux Mandaloriens. Ouais, ouais. Aucun trooper fait le pot. Bon, en même temps, ils savent pas viser. En même temps, ils sont nuls. Par contre, lui, le Mando, lui, il passe par le couloir des Dark Troopers. Et là, il y a une difficulté, c'est que Gideon, il avait déjà libéré les soldats. Donc, ils essaient de casser la porte. Il y en a un qui a quand même ressort. Un ou deux qui a, un ou un qui arrive qui à sortir. Sortir. Les autres, ils essaient de, ils tapent comme des fous sur la porte. Ouais. Donc, il y a déjà un gros suspense qui se crée. Ouais, ouais. Puis, ils les évacuent dans l'espace. Ouais. Putain, non mais bon, parler déjà du combat entre. Non mais attends, il les évacue dans l'espace, on va en revenir. D'où tu construis tes armes principales dans un vide spatial juste à côté. Bah, tu les mets à un endroit où personne peut y aller. Quoi. Non mais je vois pas ce qu'il fout là, cette espèce de débouchoir d'espace quoi. Oh, c'est au cas où il déconnerait quoi, je veux dire peut-être que. Bah, c'est pareil, il y a rien après. Donc s'ils déconnent, ils sont dans la merde. Mais bon, on va faire par étapes parce que là t'es en train de dévoiler déjà les prochaines étapes. Donc il se bat contre Star Troopers et c'est vrai que le combat est rude, mais il est bien quoi, il est bien fait. Ouais, puis quand il se fait exploser la tête, tu te dis, ah, le Beskar, c'est solide. Ah ouais, c'est sûr. Et il se prend des patates de forain dans la tête, et le casque le protège, tu vois. Il y a quand même du mal, hein, quoi. Il se prend quand même des belles patates. Ouais. Il est quand même affaibli, là. Et il y arrive quand même difficilement en battre un, quoi. C'est limite, quoi. Avec la lance en Beskar, il arrive à passer à travers, mais... C'est quand même limite, hein, l'issue du combat. Là, il a failli y rester. Donc il balance les troopers, bon, on croit qu'on est débarrassé. Et puis il va délivrer Grogu, mais manque de bol, Gideon, il est là avec son sabre noir. Donc il fait du chantage. On le voit arriver de loin, chantage. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Il dit à Gideon, moi je veux l'enfant. Tout ce que tu veux. Quand tu gardes le sabre noir. Tu gardes le sabre, je veux pas le sabre. Tu me donnes l'enfant et puis chacun part de son côté. Moi je te laisse partir, tu me laisses partir. Donc tu vois, il est plus dans la vengeance, là, il est dans la négociation. Dans la négociation. Sauver l'enfant avant tout. Ouais, mais c'est complètement con de tourner le dos à Gideon entre nous. Il faut quand même qu'il reste alerte. Il est toujours alerte parce qu'il arrive à se défendre quand il prend l'enfant et qu'il se fait attaquer. Mais c'est juste, le sabre noir, il est quand même en train de défoncer le bras quand même, quasiment. Donc encore une scène d'action qui fonctionne aussi avec Gideon. L'affrontement, le mec, on voit quand même qu'il maîtrise, il s'est manié un sabre, quoi. Ouais, non. Il s'est manié un sabre, mais voilà, venir là, t'as que ça lance en Beskar, il arrive à rivaliser avec son problème. Par contre, c'est là où tu vois que le sabre noir est beaucoup plus puissant qu'un vrai sabre. Parce que là, le Beskar, il chauffe. Oui, il est rouge. Il est rouge. Ouais. Donc c'était limite, hein. C'est-à-dire que il pourrait bien le percer, quoi. Et donc il y a ce combat et tout, et Gideon, finalement, il tombe par terre et Grogu il est délivré. Et puis là, t'as une espèce de scène d'assaut, c'est-à-dire que ils arrivent dans le poste central. Et Gideon explique justement l'affaire avec le sabre noir. Ouais, puis il explique aussi, avant, il explique qu'il a plus besoin de Grogu. Il a eu tout le sang, donc tu sais qu'il va se passer des choses dans la saison d'après. Dans la saison 4, ouais. Et après, il dit à Bo-Katan, t'es fait avoir, c'est lui qui a récupéré mon sabre. Faut vous battre, en gros. Tu comprends qu'il faut vous battre. Alors que ce que je te disais, c'est que dans Rebels, Sabine, elle donne le sabre à Bo-Katan et ça lui pose pas plus de problèmes que ça. C'est le sabre noir, le même. Ouais. Et Mando, il veut donner le sabre, il dit j'en ai rien à péter de ton sabre de merde, je veux pas être chef, en gros, c'est ça. Et elle dit, elle le refuse parce que faut le gagner par l'honneur. Dans la tradition, quoi. Ouais, dans la tradition. Soit-disant tradition qui. Alors que ça lui a pas... un scénario, quoi, en fait. Voilà, alors que ça lui a pas posé de problème jusque-là, quoi. Ouais. Bon, elle a qu'à épouser Mando, hein. Comme ça, elle peut récupérer non, le sabre. Non, mais bon, ils font un combat, l'autre il fait semblant de perdre, puis c'est bon, quoi. Bah ouais, mais ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais Gideon, bon, il essaye de. À te foutre la merde. Il essaye un peu de foutre la merde, mais ça marche pas. Un peu comme un site, il essaye de manipuler. Ouais, c'est ça, mais bon, ça marche pas, de toute façon, Mando et tout ça. Et puis, manque de bol, les troopers, ils reviennent. Ouais, dans le vide spatial, ça va, ils sont pas tous morts. Parce que je me suis dit, putain, non, c'est trop facile, quoi. Ouais. Et en fait, ils reviennent, huit. Parce qu'ils sont équipés de, justement, de... Propulseurs. De propulseurs. Ouais, c'est des Mark IV de chez Iron Man, elles ont toutes des propulseurs. Chez des voraces, hein, chez les mecs, ils commencent à frapper à la porte et tout. Ils savent pas s'ils vont gagner parce qu'ils résistent pas mal aux balles. Et puis t'as un X-Wing qui arrive tranquillement, là. Et puis là, t'as le mec qui commence à jubiler sur sa chaise. Là, t'as le fanboy en ébullition. Alerte au fanboy. Il y a un X-Wing qui arrive. Quel Jedi pilote un X-Wing? Il n'y en a pas 36. Ah non, tu sais pas que c'est un Jedi. Au début, ils disent, il y a un X-Wing qui arrive, et puis ils se disent, il est tout seul, c'est bizarre quand même. C'est ce qu'ils disent, avec un seul X-Wing, on n'est pas sauvé. Ah ouais, on n'est pas sauvé, ah bah c'est si, sûr. En fait. À part que c'est pas n'importe quel pilote qui est dedans. Alors donc, il arrive. Bah ouais, déjà, bon, il y a on va dire un chevalier Jedi qui sort avec une robe noire et tout. Un chevalier. Alors. On sait pas encore si c'est un Jedi. Ceux qui ont vu le X-Wing, ils savent. Chevalier, on va dire, pas maître. Bon, on voit qu'il y a une main grantée quand même. Ouais, et puis après, il sort un sabre qui est familier. Un sabre vert. Avec une couleur verte. Donc il arrive et puis ça dure quoi? Ça dure même pas une minute cette affaire. Ouais, il dure bien 2 minutes de tatanage total. Donc, de force. Donc il coupe les Star Troopers en morceaux, il utilise la force pour les faire exploser. Puis là, t'as l'impression de faire un parallèle avec la scène de Vador dans Rogue One, quoi, carrément. Ouais, il y a un parallèle. Il y a le côté Vador, le côté je maîtrise je maîtrise la force. Puis le côté écrasant mais serein, tu vois, il écrase franchement tous les Dark Troopers, mais jamais tu sens de la panique, tu vois. Et moindre mouvement, il maîtrise, on voit la puissance du maître Jedi, tu vois. Ouais, puis même quand il se fait tirer dessus, il renvoie les trucs. Ah mais complètement. Les mouvements sont pas rapides. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on t'envoyait une balle et que tu faisais une petite chicano dès que tu l'envoyais. Les pareil. Et pouf, tranquille, la force tranquille, tu vois. Non, ça c'est bon, ça me fait pas peur. On voit vraiment toute la maîtrise du maître Jedi, mais on sait pas qui c'est encore, tu vois, mais on se doute, on a un petit doute. Ouais, on a un petit doute. Allez, on va laisser planer le suspense parce qu'on aime bien. Donc il arrive et puis il se met devant la porte. Puis ils ont quand même peur, hein, parce qu'ils disent putain c'est un Jedi, mais il a l'air quand même super dangereux, quoi. Non, ils savent pas qui c'est, ils savent pas. Ouais, mais ils savent pas. Ils savent pas ce que ouais, c'est. Ouais, mais ils savent que c'est un Jedi vu qu'il y a un sabre laser. Il y a pas Ahsoka Tano. Ils savent pas si c'est un Jedi, un Sith, un ennemi, ils savent pas. Eux, ils savent pas. Ouais, mais les Sith, en général, ils ont des sabres, nous, des sabres rouges. Nous, on le sait. Ouais. Parce que nous, en tant que spectateurs, on sait que les rouges, c'est les Sith et les autres couleurs, c'est violet, c'est Samuel Jackson. Et les autres, c'est les Jedi. Nous, on le sait en tant que spectateurs, mais eux, ils savent pas. Ils savent pas à qui ils ont affaire. C'est vrai qu'après, t'as les sabres jaunes et tout ça, comme dans le Star Wars 9 à la fin. Là. Moi, je suis complètement con, Zizo. Mais généralement, c'est du bleu et du vert, quoi. Mais donc, il y a ce Jedi qui attend tranquillement qu'on lui ouvre la porte. Puis, bah, ils paniquent tous, hein, faut des, quand même. Sauf Grogu, qui regarde l'écran. Même Gideon, il a peur. Hein. T'as vu, on voit qu'il a peur. Ouais, parce qu'il se dépêche de récupérer un pistolet. Ouais, ouais. Enfin, ça marche pas, de toute façon. Sauf Grogu en regardant l'écran. Grogu, il regarde l'écran, mais il a senti la présence. Ouais, mais lui, il rassurait Grogu parce qu'il est câlin avec l'écran, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais il a quand même senti la présence du maître Jedi, quoi. Ouais. Mais on dira pas son nom parce que sinon, on va casser tout le suspense. Donc, comme il voit que Grogu a confiance, bah, il dit on va ouvrir la porte. Ils sont pas trop d'accord, mais bon, il ouvre quand même la porte. Puis t'as le maître Jedi qui rentre. Puis on voit qu'il remballe son sabre laser. Puis où sa capuche. Puis putain, c'est Luke. Luke qui est devenu un super maître Jedi, quoi, autre chose que dans l'épisode 6, quoi. Bah même autre chose que dans l'épisode 7, 8, 9, hein. C'est vrai que complètement autre chose, hein. Vieux alcoolique dans sur son île, là. Ouais, voilà. Et là, c'est vraiment le mec qui maîtrise les deux côtés de la Force, quoi. Le charisme de son père, enfin voilà, puis je veux dire, enfin voilà, si encore une fois, tu vois, il en impose, mais jamais en forçant. Il force pas, quoi. Tu sens que s'il forçait, il détruirait tout le vaisseau. C'est sûr que maintenant, c'est plus Luke qu'on a connu dans l'épisode 4, quoi. Non. C'est plus du tout le même personnage. C'est plus le gamin qui doit sortir de sa campagne pour s'accomplir. Là, c'est vraiment le mec accompli. Là, c'est vraiment le mec qui maîtrise tous les aspects de la Force, quoi. Donc, ce Luke, là, c'est du CGI. Donc, il y a un acteur qui a prêté un peu plus son visage. Ils ont refait du CGI. Je trouve que... Bon, ça passe pas mal. Il y a certaines émotions qui sont un peu bizarres, quoi, mais parce qu'il reste impassible. Donc, je pense que c'est fait exprès. Mais sinon, on a l'impression de retrouver quand même le même Luke que dans l'épisode 6, quoi. Bon, il y a des moments, ça fait un peu gringe, mais sinon, non, ça va, ça passe. Dans l'ensemble, ça passe. Ouais, je trouve que bon, faut pas de plans rapprochés, je trouve. Sinon, quand t'as des plans d'ensemble, ça va, quoi. Pas de plans rapprochés et pas de moustache enlevée, ça passe. Ils auraient pu lui coller une barbe, tu sais, un truc comme dans le 8, tu sais. Donc Luke, bien sûr, il est là, puis bien sûr, Grogu, il hésite parce qu'il doit quitter son espèce de père spirituel, quoi, finalement. Ouais, mais il hésite, et puis Mando, là, il hésite plus, il fait « Tiens, je te donne le bébé. Allez, salut, bonne journée !» Bah, pas trop, mais il est quand même triste, il enlève son casque, il dit « Bon, on se reverra, quoi, tu vois, mais il est triste, il y a quand même une larme. » Mais Grogu aussi. Puis on voit que Luke, il a senti quand même qu'il y a quand même cette relation qui est assez puissante entre le Jinjarin et Grogu, quoi, finalement. Il veut pas partir, il faut que vous lui laissiez partir, quoi. Puis Grogu, il regarde, il dit bah écoute, vas-y, quoi, de toute façon tu seras mieux avec Luke que moi, même si tu vas te faire massacrer par Kylo Ren et les chevaliers dans quelques années, mais bon, ça c'est autre chose, ou par Jar Jar. Mais voilà, quoi. Mais et puis t'as le deuxième effet qui se coule, t'as R2-D2 qui arrive. R2-D2, bah ouais, il est sympathique, R2-D2. Donc Grogu, il est un petit peu intrigué par ce robot, mais il est tout de suite sympathique, donc il est mis en confiance avec R2-D2. Donc voilà, il fallait un vecteur de confiance, et puis c'est R2-D2, finalement. Ouais, et puis pour le fanboy, ça fait plaisir. Super, ouais, très bien. Bah, de toute façon, Luke sans R2-D2, il n'y a pas un seul film où il est pas sans R2-D2, hein, tu regardes. Mais voilà, quoi, donc ils sont indissociables, donc t'auras pas de C-3PO, parce que généralement, t'as l'un ou l'autre. Mais là, t'as R2-D2, puis ça y est, le Mando, ouais, qu'est-ce qui va se passer Moi, ce que je savais pas, par contre, c'est que dans le Wix Ring, apparemment, il y a une place en plus pour un passager, parce que il va le prendre sur ses genoux. Bah, c'est bizarre. C'est-à-dire que quand ils devaient arrêter Mando sur la planète de glace, ils allaient le prendre sur ses genoux aussi, hein, depuis l'autre. Ça, c'est complètement con. Ça, c'est l'épisode le pire de la saison pour moi. Bon. Ah ouais, quand ils arrivent, ils lui disent oh, tu te démerdes maintenant. Bah, lui qui dit que la force soit avec vous, et puis il s'en va, et puis ils s'en vont, et puis ça se termine avec l'ascenseur qui se ferme, quoi. Puis ça fait vraiment. Putain, une scène post-crédit. Ça fait écho à Vador, quoi, dans Rogue One, quoi. Ouais. Et t'as une scène post-crédit aussi. Aussi. Donc on va y venir parce que c'est une espèce de teaser pour la prochaine série qui va arriver. Donc là aussi, c'est encore clairement une référence à l'épisode 6. C'est-à-dire que t'as Bib Fortuna qui est le personnage avec, tu sais, l'espèce de droit de Jabba. Là. Bah, c'est celui qui se fait. Luke, il dit amène-moi à ton maître, etc. Il me semblait qu'il mourait dans la barge, lui, quand tout s'est explosé. Là. Bah, à part Boba Fett, je sais plus qui c'est qui meurt. Hein. Ouais, mais bon, ils meurent tous dans cette barge, là, en principe, quand elle explose. Il y a Luke qui oriente le canon de façon à faire exploser le moteur. Mais il me semblait qu'il Big Fortuna et tout la clique, là, il mourait. Enfin bref, ils sont pas morts, une fois de plus. Mais il a pris la place de Jabba, et puis il y a Fennec et Boba Fett qui arrivent, et puis ils explosent tout le monde, quoi. Ouais. Et puis il dit, maintenant, c'est moi le nouveau c'est maître. C'est moi le patron. C'est moi le nouveau maître. T'as une pancarte, le 2021, The Book of Boba Fett. The Book of Boba Fett. Donc, parmi on va dire, les 7 séries qui sont annoncées de Star Wars, bah, ce sera The Book of Boba Fett, quoi. Tu vois, ouais, est-ce que t'as trouvé cette saison 2 meilleure que la première, Mando? Meilleure? Non, ouais. C'est pour moi, c'est du même acabit. Le problème, c'est qu'il y a un peu moins de surprises, forcément, dans la saison 2, ouais. À part le retour de Luke qui se fait en apothéose, on va dire. Ouais. Mais sinon, pour moi, c'est pareil. J'ai du mal à. Faudrait que je re-regarde la saison 1 pour voir laquelle j'ai préférée. Mais je veux dire, c'est du western, du Shambhala, un mélange de styles. Et franchement, à part, je t'ai dit, l'épisode avec des araignées géantes, sinon, ça le fait, quoi. Avec l'espèce de dragon géant, c'était pas trop mal aussi, ça? Aussi, ouais. Ouais. Avec le grand ver de sable qui mange tout le monde, même les côtés western où on a une mission, quand ils vont dans c'est pas le lac de lave, mais je veux dire quand ils piquent le vaisseau et qu'ils font exploser la base, même ça c'est bien, bon, ouais, c'est un petit peu facile avec le Razor Crest qui revient, mais je veux dire dans l'ensemble ça va, ça passe bien. Avec les bouts de ficelle, sur les réparations du Razor Crest, ça pose énormément de problèmes. Cet épisode là aussi. J'aime à le rappeler, mais le mec qui répare le réseau Crest avec des bouts de ficelle, mais littéralement, quoi, dans cet épisode. Ouais, puis ça n'empêche pas de passer en hyperespace. Ouais, en hyperespace, il se fait pas broyer. Et puis même, t'as un moment, dans l'épisode précédent, il passe en hyperespace. Puis t'as un monstre ferrat qui est dans l'espace, quoi. Je sais pas, ça fait un peu troll, quoi, quelque part. Non, moi, j'ai trouvé que dans l'épisode 2, il y avait quand même des épisodes un peu plus variés. Parce que ça manquait un peu de variété, je trouve, dans la première saison. Bah, dans le 2, déjà, tu dois plus mettre les personnages en scène. C'est-à-dire, tu t'es censé les connaître, à part quelques-uns. Donc ça aide pour le discours scénaristique. Mais sinon, pour moi, non, c'est le même niveau. Un et deux, c'est aussi bien l'un que l'autre. Bah, disons que... Je préfère regarder Mando 1 ou Mando 2 plutôt que de regarder une postlogie. Ah oui, non, mais ça, c'est... Il y a aucune comparaison, de toute façon. Je trouve que déjà, l'épisode 16, là, qu'on a chroniqué... Il pète lui à tout seul la postlogie, quoi. T'as rien de cet acabit dans la dernière trilogie, dans la postlogie avec Rey tout seul. Y a rien en termes d'action dans cette postlogie. C'est tout des répétitions, c'est tout des scènes qui sont hyper cutées qui n'ont aucun intérêt. Y a des bonnes scènes d'action quand ils sont poursuivis par le vaisseau spatial et que ça dure 3 heures, c'est une super scène d'action. Alors qu'il ferait un petit saut, là, il pulvériserait ce vaisseau, là. Ça n'a aucun intérêt, cette affaire. Que ce soit dans le 7, la bataille de Starkiller qui va vraiment nul, la scène d'intro là, tu sais, sur la planète de glace avec justement Hux et Dameron qui tergiversent sur la radio pendant des heures, c'était nul aussi. Et la bataille avec l'empereur qui balance ses éclairs sur les vaisseaux, c'était une nullité. Y a rien dans cette postlogie. Y a pas grand chose en termes de visuel. Tandis que Mandalorian, c'est quelque chose que je peux re-regarder sans trop de difficulté. Et tu peux enchaîner les épisodes et t'auras toujours le même plaisir à regarder. Un peu la bincher. De toute façon, c'est un truc qui se binge, ça. Ah, c'est... complètement. Ouais. Mais ils ont fait quand même un épisode par semaine. Ils sont pas complètement cons. Ils vont pas faire comme sur Netflix de mettre tous les épisodes. Voilà, d'un coup. C'est bon, à part, là, je sais pas quand elles sortent les prochaines séries, mais là, je peux couper mon abonnement Disney Plus maintenant. À part Mando, il y a rien à regarder dessus. Bah, écoute, si on va présenter un petit peu les nouvelles futures séries. D'ailleurs, on a déjà eu un premier teaser pour Star Wars Andor. Comme je te disais, c'était la série sur, pas sur les Ewoks, attention, mais ça, à mon avis, c'est dans les cartons. Hein. D'ailleurs, on fera une spéciale Ewoks, on regardera tous les films qui sont sortis sur les Ewoks, parce que je crois qu'il y en a une paire à... Ouais, je suis pas motivé. T'es pas motivé, bon, celui qui est commenté par Dorothée. Ça doit être ça, ouais. Ah ouais. Donc Star Wars Andor, qui est sur le personnage qui accompagne Jyn Erso dans Rogue One, une espèce de mercenaire, là, donc on devrait un petit peu voir un petit peu le côté caché de la rébellion. Il y a Star Wars Andor, il y a Bad Batch, qui est une espèce de dérivé de Clone Wars, où t'as des Stormtroopers qui agissent en mercenaires, quoi, quelque part. En mercenaires, et puis qui sont pas vraiment contrôlés par leur puce. Ouais, c'est ça. Après, t'as la série sur Obi-Wan Kenobi, qui est... Donc Ewan McGregor reprend son rôle, on a encore annoncé le retour de Hayden Christensen dans l'ordre de Dark Vador. Il y aura peut-être aussi Liam Neeson qui va revenir pour faire Qui-Gon Jinn. Enfin bref, t'as pas encore une espèce de fanboy à outrance, quoi, tu vois. Oh, arrête, t'aimes bien ça, le fanboy. C'est juste pour toi qu'ils font ça. Oh, t'aimes bien ça, hein. T'aimes ça, fanboy. Après, il y aura la série sur Ahsoka avec Rosario Dawson, d'ailleurs. Encore un spin-off de Mandalorian. Alors, Mandalorian est déjà un spin-off. Ahsoka. Les spin-offs, ils sont mieux réussis que les films. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, je fais des spin-offs aussi. Il y aura un autre spin-off de Mandalorian, c'est Rangers of the New Republic. Alors, apparemment, ce serait Cara Dune, la principale dans cette série. Il y aura une série sur Lando. Alors, on sait pas si ça va être avec Billy Dee Williams ou si avec Donald Glover qui joue, qu'on l'a vu dans Solo. Ouais, il est trop vieux, Dee Williams. Ça, ouais. Mais il fera peut-être des apparitions, je sais pas comment que ça va se passer. Il y a aussi, bon, il reste, alors je vais dire que ça, j'ai peut-être plus d'intérêt pour cette série, c'est, il y aura The Acolyte, on sait pas bien le scénario, par contre, ce serait 200 ans avant la prélogie, et ça reviendrait un petit peu sur le passé des Jedi des Sith. Alors peut-être qu'il y aura peut-être une nouvelle vibration, tu sais, on sortira un petit peu de ce carcan de l'influence de la trilogie originale. Une nouvelle perturbation dans la force. Donc Disney va essayer de sortir de sa zone de confort, parce que pour moi c'est la zone de confort. Ouais, ils vont essayer de rincer la licence, tu veux dire. Ouais. Ah ouais, mais bon, là on sort quand même de la zone de confort quelque part. Et puis il y aurait Vision. Alors Vision, c'est pas rien à voir avec... On a Vision. Non, tu vois pas le rapport. Vision, c'est ce serait une série de mangas animés. Donc ça pourrait te plaire aussi, avec des histoires différentes de Star Wars. Il paraît que ce serait dans la lignée de Animatrix, si tu veux. Il y aura un côté esthétique intéressant, tu vois, le fait qu'on fasse des histoires originales, tout ça, peut-être, tu sais, une collection, quoi. Ouais, pas ça plus impatient que ça. Ça peut être, non, pas impatient, mais intéressant quand même. Ouais. Voilà, quoi. Bah, c'est encore flou, hein. Tant qu'on n'a pas de trailer ou de storyboard, des trucs comme ça, c'est compliqué de se faire une idée. Ouais, il faut des teasers et tout. Ouais. Il faut du visuel. Ouais. Sinon, donc, on peut pas, sinon, t'es vieux au projet. C'est vrai que c'est beaucoup d'annonces, mais c'est sur une période de 2022, 2023, voire au-delà, tu sais. Et puis, on aurait aussi un film. Alors, le prochain film, ce serait Rogue Squadron. Donc, ce serait sur les pilotes de X-Wing, en fait. Donc, et ce serait réalisé par qui? Par Patty Jenkins, justement. Je connais pas. La réalisatrice de Wonder Woman et Wonder Woman 1984. Bah, Wonder Woman tout court, c'est bon. Ouais. D'ailleurs, ils ont déjà, Gal Gadot et Patty Jenkins ont déjà annoncé qu'il y aurait un Wonder Woman 3. Il va falloir qu'ils bûchent sur le scénario parce que là, il y a du taf, là. Voilà, quoi, pour un petit peu les annonces des séries Star Wars. Parce que Marvel, il y a 11 séries du SMU, pour le MCU qui ont été annoncées. C'est vraiment le truc, mais je pas toutes les citées. Bon, cette année, il y a WandaVision qui commence aujourd'hui. Cette année, on aura Falcon and Winter Soldier. Ouais, t'as vu le trailer? Ouais, ça donne pas envie. Ouais. Loki, ça m'a pas donné envie non plus. Squirrel Girl. Non, il y a pas un troisième trailer? What If? L'espèce de... Non, je suis pas au courant de celui-là. Dessin animé avec des histoires, des temporalités différentes pour les scénarios. Ouais, non. Par exemple, t'as le premier épisode, c'est Peggy Carter qui devient Captain America au lieu de Steve Rogers, tu vois. Et Steve Rogers, lui, il endosse l'armure d'Iron Man, quoi, qui est fabriquée par Howard Stark, son père, quoi, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est des histoires de parallèles où tu vois Watu, quoi, le gardien qu'on avait vu dans Gardien de la Galaxie avec Stan Lee, justement, dans une scène post-générique. Ouais, Watu, le gardien de la Lune. Watu, ben, j'aime bien les gardiens qui foutent le camp, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont marre des conneries de Stan Lee, mais attendez, j'ai pas fini. Très méta. C'est très méta comme truc. Hein, ouais. Avec Uatu, justement, qui raconte les histoires et Stan Lee. Ouais, voilà, quoi, pour quelques annonces. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié tout à l'heure, mais c'est pas grave. Par rapport à Pedro Pascal, c'est que Pedro Pascal avait déjà participé à une série Wonder Woman. C'était en fait un pilote qui avait été diffusé en 2011 et produit par David E. Kelly avec Adrian Palicki. Et c'est une série qui a circulé sur le net, mais qui a jamais été diffusée, quoi. On voit donc cette photo où il y a un rôle de détective et Pedro Pascal, justement, il est plus jeune, hein, donc on a quand même 8 ans en arrière, hein, bien avant qu'il soit connu avec les séries Narcos et Game of Thrones, quoi. Voilà, bon, je vais dire que j'ai fait un peu le tour. Moi, je propose déjà de faire une petite pause et puis après on va revenir un petit peu Allez, une petite pause alors. Avec des hors-sujets et des séries.